L'amour, monsieur, ça vous tient toujours chaud. Qu'il ait les cheveux noirs ou qu'il ait les yeux bleus, l'amour, monsieur, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas toujours le jour J, il faut attendre que l'amour vous sourie. Mais il arrive, monsieur, à son heure, comme s'ouvre une fleur. Faut pas perdre patience, t'auras bientôt ta chance. L'amour, monsieur, c'est l'amour, monsieur, ça vous tient toujours chaud. Qu'il ait les cheveux noirs ou qu'il ait les yeux bleus, l'amour, monsieur, c'est ce qu'il y a de mieux. Et tout devient facile, et dans la ville, on va se promener. L'amour, monsieur, ça vous tient toujours chaud. Qu'il ait les cheveux noirs ou qu'il ait les yeux bleus, l'amour, monsieur, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'il neige à Manhattan ou qu'il pleuve à Tokyo, l'amour, monsieur, ça vous tient toujours chaud. Qu'il ait les cheveux noirs ou qu'il ait les yeux bleus, l'amour, monsieur, c'est ce qu'il y a de mieux.